La radio des Mégaïdes vous présente le Méga Plein Air Show. Revoici Yves Laroche. On poursuit notre émission spéciale en direct de l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre. Et puis justement, pour vous montrer comment que cette académie-là est efficace, on est avec un moniteur aujourd'hui qui a été auparavant stagiaire aussi à l'Académie de pêche. On est en compagnie de Rapace. Hein, c'est ça ton surnom pour l'Académie? En effet, je suis Jérémy Desjardins. J'ai passé 8 ans à l'Académie maintenant. Ça fait 3 ans que je suis animateur. Je suis maintenant guide. La première année, je suis rentré comme animateur. Puis après 6 années d'Académie, j'ai poursuivi mon parcours dans la direction de devenir guide à l'Académie. C'est une passion pour toi, la pêche? Une véritable passion. Je suis rendu maintenant au cégep de Baie-Comeau en TACH, donc en technique, aménagement cynégétique et halieutique. J'étudie dans le programme, dans le fond, pour devenir biologiste ou quelque chose dans le programme qui va être connexe pour continuer vers la voie de la faune et de la flore. Je trouve qu'Alec a peut-être détendu sur toi. C'est pas comme un mentor pour toi parce que tu suis à peu près le même parcours que lui, là. Je l'ai suivi sans même m'en rendre compte. Je dois te dire que j'ai appris que lui était un tâche après que m'être inscrit au cégep de Baie-Comeau. Puis oui, je suis son parcours, mais sans le savoir nécessairement. Je le prends vraiment comme un mentor, par contre. Il m'a montré énormément de choses. Ça fait maintenant 8 ans que je le connais. Puis c'est quelqu'un qui m'influence dans ma vie, puis qui me montre un certain chemin qui est possible de faire avec la faune et la flore, là. Non seulement, oui, il m'apprend beaucoup de choses sur l'eau, mais c'est qu'il est capable de montrer aussi un chemin que lui a suivi, soit d'aller à Bay James, travailler aussi, que ça devient une option. Lui, avec ses contacts, je suis capable de maintenant... d'envisager cette option-là aussi pour mon futur. Ça pourrait être une belle option. On va revenir un petit peu dans le temps. Oui. Première année à l'Académie de pêche. Comment que c'est arrivé? Comment t'as décidé ou t'as convaincu tes parents de te laisser aller là, à cette Académie-là qui était jeune? Là, c'est tout nouveau, là. Ouais, moi, à ma première année, l'Académie elle venait tout juste d'ouvrir. J'avais vu un article dans une revue de chasse et pêche. Puis je dois t'avouer que convaincre mes parents, ça n'a pas été difficile parce que... Je voulais y aller. C'était non seulement une ambition, mais un désir profond. Puis après, on avait recherché quelque chose de semblable, mais on n'avait rien trouvé. C'était unique dans son genre d'avoir une académie comme ça. Puis j'ai tout de suite accroché. Je suis embarqué dans l'académie. Je suis arrivé la première semaine. Tout s'est bien passé. On avait pris du poisson. On avait été faire du camping sur l'île de Grasse, une belle île, où est-ce qu'il est possible également de pêcher. Puis j'avais complètement... trippé, c'est le cas de le dire. C'était pour moi vraiment un rêve qui se réalisait de passer une semaine avec des jeunes qui, eux aussi, aimaient la pêche, me faire des amis, d'en apprendre beaucoup, puis de prendre du poisson de façon assez constante. Là, c'était vraiment une belle semaine. Tu viens de quelle région, toi? Moi, je viens de Vaudreuil. OK. Fait que tu connaissais un peu le secteur. Je dois te dire que je n'étais jamais venu avant de venir à l'académie. Fait que je connaissais vraiment personne. Puis je me suis lancé dans l'aventure tête baissée, puis j'ai jamais arrêté. Ton meilleur moment comme... Je dirais pas académicien parce que c'est un peu du copier-coller à une certaine émission à TVA, là. Mais comme moi, je trouve comme stagiaire, c'était quoi ton meilleur moment là, dans ces années-là? Là? Mon meilleur moment, je crois que c'est l'année où, avant, je travaillais comme garçon de quai. Puis Alec était venu me voir une journée puis il m'avait demandé si je voulais faire partie de l'équipe de l'académie quand j'avais... 16 ans, je m'en allais pour rentrer pour l'académie. J'étais jeune, puis qui m'offre cette promotion-là, si on veut. J'étais vraiment flatté de voir qu'il y avait confiance en moi comme ça, puis ça a été vraiment un moment où j'étais fier de moi-même, puis j'étais prêt à commencer. J'avais hâte. Bon, Jérémy, maintenant que tu es moniteur, oui. Instructeur, mentor pour des jeunes qui font le même parcours que toi un petit peu, là. Il y en a, ça fait quelques années qu'ils sont à l'académie. Il y en a que c'est des nouveaux. J'ai été vraiment ravi de constater qu'il y avait aussi des jeunes filles qui étaient intéressées par l'académie. Puis je pense que c'est important au niveau de notre relève à la pêche que les filles soient impliquées aussi. Mais là, tu es de l'autre côté de la clôture. C'est quoi tes plus gros défis? Puis, c'est quoi aussi tes ambitions? Je veux pas qu'on parle de tes études, là, mais au niveau de l'académie comme moniteur. Oui. Dans le fond, mes plus gros défis, c'est de rester du bon côté de la clôture parce que souvent, je me laisse un peu emporter puis j'ai le goût de continuer à pêcher moi aussi, mais mon rôle de mentor envers eux reste quand même primordial puis je dois prendre mon rôle au sérieux parce que ça reste quand même dans des conditions en bateau. Ouais. C'est des choses à garder compte, puis tout le temps prendre sécurité des autres avant soi-même, c'est quelque chose qui doit être fait, puis d'être tout le temps pris en conscience. Ça, c'est pas un défi, mais quelque chose que je dois constamment penser. Donc, rester du bon côté de la clôture. Puis, moi-même, de me rendre compte que du moindre agissement que je fais, ben les jeunes vont l'imiter. Fait que mieux que je vais être, puis mieux les jeunes vont apprendre. Puis plus je vais être patient avec eux, puis plus ils vont être enclins à bien apprendre ce que j'essaie de leur enseigner. Là, c'est la troisième journée là, du deuxième groupe. L'esprit d'équipe est déjà là. Il y a des liens solides qui sont soudés entre les stagiaires. Et puis, j'ai appris que c'est pas il y en a que ça fait 2, 3, 4 ans là, qui viennent ici comme toi t'as fait. Et eux autres sont pas nécessairement dans la même semaine que d'autres amis qui s'étaient faites par le passé, puis tout semble bien fonctionner. Y a-tu un secret pour ça? Le secret, ben c'est la pêche. OK. Tout le monde est réuni autour d'une même passion, donc les amitiés se forment rapidement. C'est tous des gens qui sont déjà venus, qui savent à peu près le cadre. Ils font juste suivre ce qu'on leur a montré l'année d'avant, ou peu importe. Là, il y en a un nouveau, il s'est super bien greffé à la gang. C'est juste, ça va naturellement. OK. Ils ont tous une même passion, on les réunit autour de cette passion-là. On les met tous en commun, ils apprennent à se connaître. On fait des petits jeux pour l'apprendre à se connaître. Nous autres, on travaille beaucoup avec le sport. Fait qu'on va travailler, mettons, avec un petit soccer, une petite affaire comme ça, faire des liens entre eux. Pour pouvoir, justement, quand ils vont arriver en bateau, qu'ils se connaissent déjà un peu, pour pas que ça soit difficile entre eux. On dort tous dans le même chalet, ça aussi, ça les rapproche beaucoup. Puis, on les fait tous manger à la même table aussi, fait que ça fait comme une grande famille, là. On devient un peu le papa et la maman de 10 jeunes à toutes les semaines. Puis, on essaye toujours que la gang soit unie. Puis, s'il y en a un qui est plus à l'écart, comme la semaine passée, c'est arrivé, ben on en prend soin, puis on s'occupe de lui avec tout ce qu'on sait, puis tout ce qu'on est capable de lui donner, de le greffer à la gang le plus possible, puis toujours s'occuper que ça soit une unité, puis pas seulement 10 jeunes. À part que le salaire. Oui. À la fin de la semaine, lorsque les parents vont revenir ici, c'est quoi pour toi qui est le plus important? Ce qui est le plus important, c'est vraiment ce que John a appris durant la semaine. J'ai beaucoup, beaucoup de retours. Ça m'est arrivé, j'ai eu des jeunes qui avaient des déficiences, des choses comme ça. Les parents rentrent en contact avec moi par le via de Facebook ou email, puis ils me disent à quel point leur jeune a grandi, a vieilli, a changé, a appris à être devenu mieux grâce à l'académie puis grâce au travail que j'ai fait avec lui. On a croisé un jeune tout à l'heure, Tommy. Sa mère super flattée du travail que j'avais fait avec lui. C'était un jeune vraiment qui a travaillé durant l'académie, qui est allé contre son déficit d'attention, puis il est devenu super bon. Il m'a envoyé des photos durant l'hiver, des brochets qu'il avait pris, de toutes sortes de choses comme ça, puis j'étais super content de lui. La semaine passée, ça a été la même chose, là. Il y a une grand-maman qui est venue me voir pour me féliciter du travail que j'avais fait avec son petit-fils, puis ça, c'est vraiment quelque chose que je suis fier, c'est de montrer ma passion de la bonne façon, puis que les autres s'en rendent compte du changement, puis de la manière que le jeune mature au travail de l'académie, au travail des instructions qu'on donne. Bien, on te remercie beaucoup de ton implication dans l'académie. On te félicite aussi de justement t'impliquer avec les jeunes pour la relève à la pêche. Puis finalement, on te souhaite la meilleure des chances dans tes études. Bien, merci beaucoup, Olivier. Puis j'espère qu'on va se voir l'an prochain. Bien sûr. OK, bien merci beaucoup, puis à une prochaine. Bien sûr, au revoir. Alors, c'était une deuxième chronique dans le cadre de notre émission spéciale de l'Académie de pêche du Lac-Saint-Pierre. Ne quittez pas, le méga plein air chaud se poursuit dans quelques instants.